Les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung ont visité le palais des sciences et techniques à Pyongyang. Ils ont vu le nouveau film artistique coréen Histoire de ma famille dans les cinémas de la capitale, y compris le cinéma de Daedong-mun.